Les grands écrivains américains, Walt Whitman, Mark Twain, Almanzo, regarde ça. Ralph Waldo Emerson. En personne viendra exposer ses idées à l'assistance présente. Ralph Waldo Emerson. Je crois que tu devrais y aller si tu peux t'arranger. Quoi? Tu as bien compris. Ton regard s'est illuminé comme celui d'une petite fille quand elle entend ses parents dire qu'il faut se préparer pour Noël. Est-ce que tu imagines avoir la chance d'être là et d'écouter un exposé dit par Ralph Waldo Emerson? Trouvons-nous dans une série dont nous ignorons les extrémités et que nous croyons être sans fin. On se réveille et on se découvre sur un escalier. Au-dessus de nous, des marches, qu'apparemment nous venons de gravir. Au-dessus de nous, encore des marches, en quantité, qui s'élèvent jusqu'à perte de vue. Mais le génie, qui d'après la croyance ancienne, se tient debout sur le pas de la porte par laquelle nous entrons, et nous tend l'eau du l'été à boire pour nous empêcher de raconter des histoires, a concocté un mélange trop fort, si bien que nous ne parvenons pas à nous sortir de notre léthargie, même au milieu de la journée. Le sommeil s'attarde toute notre vie sur nos yeux, pareil à la nuit qui rôde à longueur de journée sous les branches des sapins. Tout flotte et scintille. Notre vie n'est pas aussi menacée que l'est notre perception. Tels des fantômes, nous glissons dans la nature et ne reconnaissons pas notre lieu. Serions-nous nés dans un accès d'indigence et de frugalité de la nature qui se serait montré si économe en feu et si généreuse en terre que nous aurions aujourd'hui l'impression de manquer du principe affirmatif et que bien que possédant santé et raison, nous manquions du surplus d'esprit nécessaire pour créer du nouveau. Nous avons assez pour vivre et finir l'année, mais pas un gramme à transmettre ni à investir. Ah, si seulement notre génie pouvait être un tout petit peu plus génial. Joseph Urbas. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous enseignez la littérature et la philosophie américaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez écrit sur Emerson, le philosophe avec lequel nous passons la semaine sur les chemins de la philosophie. Vous préparez même un nouveau livre sur la philosophie politique d'Emerson. Et c'est avec vous donc que nous allons évoquer certains textes d'Emerson ce matin. Vous avez, je pense, reconnu les lignes que je viens de lire. Où sont-elles? Où les trouvons-nous? Ah bah, au milieu des deux extrêmes, comme vous l'avez bien dit. C'est ça, c'est le tout début du texte, oui. Expérience, oui. Qui est, je trouve, un des plus beaux textes d'Emerson. Oui, en effet. Et il décrit, le texte s'ouvre avec cette question, où nous trouvons-nous? Et tout le début du texte décrit un homme qui ne sait pas où il est. C'est presque Blaise Pascal hein, qui dit que l'homme est un milieu entre rien et tout. Oui. Pourquoi est-il aussi perdu? Bah, c'est l'expérience passagère, mais... récurrente du scepticisme, de la désorientation, de l'expérience de la succession, de la sérialité, qui est un des thèmes majeurs de cet essai. Mais ce n'est pas, la vie n'est pas, ne se réduit pas à cet aspect-là. Voilà, j'insisterai sur ce thème-là. Ce n'est qu'une partie de l'expérience. Voilà. Et qui est une partie qu'on pourrait qualifier de tragique? Souvent, pas nécessairement, mais souvent, effectivement. Ce qui est intéressant dans ce, ce passage sur la mort de son fils. Alors voilà, peut-être présenter le texte, expérience. Oui, donc son fils est mort à Waldo, est mort à l'âge de 5 ans, de la scarlatine, et ce fut un coup terrible pour Emerson. Au lendemain, il a noté dans son journal qu'il voyait la nature comme déshonorée par cet événement tragique. Voilà, donc cet essai fait le travail du deuil et du scepticisme qui, dans l'esprit d'Emerson, est souvent associé au deuil. Dans un de ses sermons, il dit que l'esprit endeuillé est souvent sceptique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, sceptique ? C'est-à-dire que nous avons l'impression d'avoir perdu pied, que le monde familier s'éloigne, que nous ne reconnaissons plus cette réalité qui nous entoure. Tout semble nous échapper, toute prise que nous avions sur le réel n'a plus cours. Et c'est le deuil qui produit ce scepticisme. Voilà, c'est un des un des événements qui peut produire l'état d'esprit qu'on qualifie de sceptique. Parce que le scepticisme est aussi une position épistémologique, c'est une manière de dire que nous ne pouvons pas connaître tout du monde dans lequel nous vivons. Voilà, exactement. Et c'est le surgissement, si vous voulez, de l'inattendu, comme cet événement tragique. Ce surgissement est parfois susceptible de mettre en cause notre rapport épistémique au réel. Est-ce que nous avons vraiment, nous sommes capables de saisir le monde qui nous entoure ? Et dans ce texte, évidemment, la réponse est non. On va entendre un autre extrait de ce texte dans un instant. D'abord, dites-nous si cette position sceptique, Joseph Urbas, était familière à Emerson avant même la mort de son fils, ou est-ce qu'il la découvre à ce moment-là ? Oui. Oh non, non, non. C'est même, je dirais, dans la doctrine unitarienne, c'est une mise à l'épreuve qui est souvent considérée. Les confrontations avec le scepticisme, avec le doute profond, ces expériences sont considérées comme une façon de mettre à l'épreuve et de renforcer la foi. Voilà, donc ils avaient un regard positif, si j'ose dire, sur l'expérience du scepticisme. Mais ils, ce sont les pasteurs unitariens. Voilà, c'est ça. Comment se caractérise le mouvement unitarien ? C'est une version du protestantisme qui est rationaliste et donc qui écarte tout ce qui est considéré par le monde plus moderne comme du mauvais mysticisme, la Trinité, le péché originel, des choses de cet ordre-là. Donc ça, c'est un christianisme qui émerge du puritanisme dans l'histoire longue, mais qui s'en démarque par son parti pris rationaliste, résolument progressiste et rationaliste. Mmh. Voilà. Ce qui caractérise donc le. Voilà. Donc pour eux, le scepticisme, toute foi doit être mise à l'épreuve. Même un puritain déjà comme Milton, dans sa plaidoirie pour une presse libre, a considéré qu'elle était nécessaire, une presse libre, pour mettre notre foi, nos croyances à l'épreuve. Mmh. Voilà. Donc c'est une vieille tradition. On pourrait dire libéral et progressiste, qui regarde ces moments de doute comme une part nécessaire dans le processus de l'affirmation de la foi. Mais dans le cas d'Emerson, sa foi a été rudement mise à l'épreuve, puisqu'il perd sa première épouse assez jeune, il perdra ensuite son fils. Oui. Et est-ce qu'il aura envie de continuer à croire en Dieu, c'est une question, mais à pratiquer son métier de pasteur ? Oui. Il devient conférencier, on l'a vu hier, Thomas Constantinescu nous a bien expliqué la carrière d'Emerson, sa foi est plus que mise à l'épreuve. Oui, momentanément, mais la foi revient toujours. Dans les derniers essais, il réitère sa position là-dessus. Il dit « l'esprit revient toujours ». The spirit always returns. L'esprit revient toujours. Donc, il est confiant que le scepticisme n'aura pas le dernier mot. Alors ça, c'est dans d'autres textes qu'on va voir un peu plus tard dans l'émission. D'abord, restons dans ce texte « Expérience », donc écrit après la mort de son fils. Le texte date de 1844. Écoutez dans quels termes il explique, il traduit, ou il décrit son deuil. Finalement, le pire n'est sans doute pas que son fils soit mort. Le pire, c'est la certitude qu'il s'en remettra de ce chagrin. Mon fils est mort. J'ai regardé à l'intérieur de moi et je me suis aperçu que je n'éprouvais pas de chagrin. La souffrance est une toile peinte. Les larmes ne me font pas mieux toucher le monde. Mon fils s'est détaché de moi comme la feuille d'un arbre. Je n'ai rien perdu. Joseph est désormais mon fondateur. Cette perte est ma fondation. Joseph a fait de moi son fils. Et j'en éprouve une joie immense. Avec la mort de mon fils, il y a à peine 2 ans, il me semble avoir perdu un bien merveilleux. Mais rien de plus. Je n'arrive pas à m'en rapprocher davantage. Si demain je devais apprendre que mes principaux débiteurs ont fait faillite, la perte de ma propriété serait un contretemps fâcheux, pour plusieurs années sans doute. Mais j'en sortirai inchangé, ni pire ni meilleur. Il en va de même avec ce désastre. Il ne m'atteint pas. Quelque chose qu'il me plaisait imaginer faire partie de moi, qui ne pourrait pas être arraché sans me déchirer intérieurement, ni s'accroître sans me rendre plus fort, se détache de moi et ne me laisse aucune cicatrice. Ce n'était que passager. Je pleure de savoir que les pleurs ne m'apprennent rien et ne peuvent me conduire un pas de plus vers la nature réelle. Un Indien était sous l'emprise d'un mauvais sort. Il ne pouvait plus sentir le souffle du vent, ni l'écoulement de l'eau, ni la brûlure du feu. Nous sommes tous comme lui. Les événements les plus précieux sont les pluies d'été, et nous, les imperméables qui répandent chaque goutte. Il ne nous reste rien que la mort. On la regarde avec une satisfaction sinistre, en se disant « voici enfin une réalité qui ne nous échappera pas ». France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Quel texte, Joseph Urbas, hein, tout est dans cette phrase « je pleure de savoir que les pleurs ne m'apprennent rien ». C'est la phrase du scepticisme par excellence. Ouais. Ce que je note aussi, c'est que la douleur n'a pas de privilège épistémique. Je crois que c'est l'un des aspects de la pensée d'Emerson qui a tant plu à Nietzsche. C'est-à-dire, pour Emerson, c'est souvent la joie qui nous rapproche le plus efficacement et le plus immédiatement du réel. Voilà, l'expérience de la joie, de cette espèce d'union avec le monde qui nous entoure. Et on dirait ici qu'il est un peu le représentant d'un stoïcisme qui a peut-être un peu trop bien marché, au point de le rendre totalement insensible et à faire escamoter le monde qui l'entoure. Car comment peut-il affirmer cela, que la mort de son fils, c'est un bien merveilleux qu'il a perdu, mais rien de plus? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il en va de même avec ce désastre, il ne m'atteint pas. Il est dévasté par la douleur lorsqu'il écrit ça. Alors pourquoi écrit-il que ça ne l'atteint pas? Ce que je trouve le plus terrible dans ce passage, c'est la comparaison avec une perte financière. C'est ça. Qui nous laisse sans voix. Je crois que, en partie, c'est un aveu que, malgré qu'il en ait, la vie va continuer. Et que il y a dans un poème qui s'intitule Trinodie, qu'il a écrit à la même époque et au sujet du même événement, en gros Emerson donne à la nature le rôle d'instructeur de l'homme en deuil, qui aimerait bien que tout s'arrête, que le monde s'arrête, pour qu'il puisse s'adonner totalement à sa douleur. Mais la nature et même le cœur humain qu'il convoque dans le même poème lui disent non. On ne peut pas, même pour la perte d'un bien aussi précieux, on ne peut pas exiger que tout s'arrête. Ça veut dire que la vie l'emporte malgré tout. Voilà, absolument, absolument. Il est difficile de résumer ces passages-là. Pour moi, le vrai défi, c'est comment résumer sans tomber dans la banalité. Bon, c'est un peu la vie continue. Bon, oui, je vois ce que tu veux dire. Les grandes phrases ne veulent pas dire grand-chose. Bah oui, mais en même temps, on peut pas parler mieux qu'Emerson ici. Mieux vaut simplement donner le texte à lire. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Mais on peut prendre le, c'est vraiment un plaisir de le commenter tellement chaque mot, l'image qu'il prend de l'Indien. Il dit l'Indien qui ne peut plus sentir le souffle du vent, ni l'écoulement de l'eau, ni la brûlure du feu, qui est insensible au monde qui l'entoure. Emerson dit, nous sommes tous comme lui. Au fond, ce qu'il décrit dans ce texte, c'est un fossé, un écart entre soi et le monde. Oui. Et celui-ci est lourd de conséquences. Voilà. Donc ça, c'est une phase, gravissime de l'expérience de la perte. Et il a, dans les paragraphes qui suivent, il va décrire la vie comme une succession d'états d'esprit, d'expériences, d'illusions. Donc là, le philosophe en lui, il quitte un peu le terrain de l'homme, de sa personne en deuil, et il redevient un peu philosophe en posant le problème de la succession. La succession comme ce qui caractérise l'expérience. Et d'ailleurs, là... Mais pas la succession filiale, pas l'héritage. Non, justement. Oui, justement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est perturbant dans une expérience aussi intense et pénible, c'est que il y a une expérience suivante qui va la chasser. Oui. Donc c'est pour ça que le philosophe prend un peu de recul au fil des paragraphes et essaie de reformuler le problème qu'il a vécu avec tant d'intensité en termes proprement philosophiques. Pour vous, Emerson est un philosophe à part entière. Ah oui, absolument. Il a une philosophie. Voilà, c'est-à-dire que depuis les travaux de Stanley Cavell, on peut dire que Emerson a été totalement réhabilité comme philosophe, voilà, depuis 40 ans. C'est-à-dire, il fait partie des programmes, des cursus dans les facultés de philosophie aux États-Unis, par exemple, mais c'est relativement récent. Donc il est un philosophe à part entière. Et est-ce que le scepticisme est une composante déterminante de sa philosophie ? Ou n'est qu'un passage ? C'est un élément... Mais le scepticisme n'a pas le dernier mot. Il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire. Le scepticisme est nécessaire. Et ça, on est un peu dans la pensée, dans quelque chose qui ressemble à une certaine pensée anglo-saxonne qui verra par la suite chez G.E. Moore, par exemple, qui trouve que le doute et le scepticisme sont utiles pour détruire des conclusions hâtives et problématiques. Voilà, donc c'est une mise à l'épreuve par le doute. Alors, pour essayer de voir comment ce scepticisme va être dépassé chez Emerson, écoutons le philosophe Stanley Cavell, puisque vous l'avez cité, parler du scepticisme d'Emerson et vous nous direz en quel sens vous vous éloignez peut-être de Stanley Cavell sur ce point. What I would say about skepticism, ce que je dirais du scepticisme, that what I have to find is the cause in myself. Il faut que j'en trouve les causes à l'intérieur de moi-même pour la disparition du monde. Et quand le monde disparaît, it's not because of my limitations, ce n'est pas à cause des limites qui me sont inhérentes. Ce que les philosophes aimeraient penser et ont pensé et cru que l'être humain est fini et que seul Dieu est infini. Alors bien sûr, on ne sait pas grand-chose, on est limité. It's not for us to know everything, but for us to acknowledge the world. Il ne faut pas que nous connaissions tout, mais il faut que nous reconnaissions le monde. And to acknowledge means also to acknowledge our ignorance. Et le fait de le reconnaître veut également dire reconnaître notre ignorance. Cela knowing fait partie de la connaissance. Ignorance. La connaissance, c'est de surmonter l'ignorance. Donc c'est un processus inhérent à nos vies. Joseph Urbas, dans quel sens est-ce que vous partagez le constat que fait Stanley Cavell dans cet archive qui date de 2008, c'est un extrait d'Avoix Nues diffusé sur France Culture? Je suis d'accord avec quasiment tout. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé la distinction que Cavell opère entre la connaissance et la reconnaissance très puissante. C'est vraiment, il a trouvé un concept, cette distinction est conceptuelle, extrêmement utile. Il l'applique, par exemple, au roi Lear de Shakespeare, à Emerson dans ce passage-ci. Il a entièrement raison. Entièrement raison. Et je crois que c'est le cheminement vers la reconnaissance, acknowledgement, et ce qu'on observe dans ce passage. Ce que Cavell dit sur le problème, l'origine du problème étant en moi, je suis d'accord avec ça aussi. C'est simplement dans d'autres écrits, il a tendance à dire que à partir des écrits de la maturité, disons, après Nature et les essais qui suivent. Disons, à partir de Self-Reliance, Emerson considère que le scepticisme est insoluble. Mm-hmm. Alors que l'essai sur Montaigne prouve le contraire. C'est-à-dire que vous pensez que chez Emerson, le scepticisme a vocation à être dépassé et qu'il l'est dans les écrits ultérieurs d'Emerson. Oui. Alors que Cavell, il le disait dans l'archive et le dit bien dans ses écrits, pour lui, le scepticisme ne peut pas être justement dépassé. Il peut être au mieux, on peut se réconcilier avec lui, l'accepter. Oui, en partie, c'est le résultat de la façon dont Cavell définit le scepticisme. Il a un modèle qui est cartésien. D'ailleurs, dans le recueil d'essais sur Shakespeare, il se pose la question, qu'est-ce que je vais utiliser comme modèle parmi les penseurs du passé, comme modèle du sceptique? Il écarte d'entrée de jeu Montaigne, ce que je considère comme une erreur. Mais Cavell poursuit son propre programme philosophique, et c'est ça l'explication de ces prises de position. Et mais il en résulte une importance trop grande à l'aspect épistémologique. C'est-à-dire que pour Emerson, comme certains commentateurs l'ont bien observé, le scepticisme et peut-être surtout un problème éthique. Dans l'expérience, il dit, il y a un passage que je traduis librement, où il dit en gros, il nous faut traiter les hommes et les femmes bien. Ils sont réels, ajoute-t-il, peut-être pas. Ouais. On ne sait pas si les hommes et les femmes sont réels, mais il faut bien les traiter, montrer des égards se conduire de manière éthique envers eux. Ça, c'est, si vous voulez, l'impératif est surtout d'ordre éthique. Mmh. Et les questions, est-ce que les hommes et les femmes autour de moi sont réels ou simplement des illusions? C'est une question que se pose Descartes. Voilà. Et Emerson suspend la question et déplace le problème vers ma conduite ici et maintenant avec ces figures que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que peu importe le degré de réalité des choses qui m'entourent, des êtres qui m'entourent, il faut que je me comporte bien. Voilà. Donc il suspend. C'est une. Si le scepticisme est une forme de suspension. Il suspend la suspension en faveur de la vie active, des rapports que j'ai avec le monde et les êtres qui m'entourent. Alors, vous disiez tout à l'heure que la suite du test expérience laissait entendre l'importance de la succession pour Emerson. On va écouter un autre texte, un extrait d'un court texte qui s'appelle Montaigne ou le sceptique, qu'on trouve dans un recueil aujourd'hui intitulé Homme représentatif au pluriel. Il y a des textes écrits sur différents grands hommes selon Emerson. Celui sur Montaigne donne à entendre l'importance d'une sorte de fil imaginaire qui viendrait relier entre elles, toutes les parcelles du monde. Ce fil, est-ce la causalité? Est-ce la croyance? C'est toute la question. Voici le texte, lu par Herman Eloy. Nous sommes des croyants naturels. La vérité ou la connexion entre la cause et l'effet seule nous intéresse. Nous sommes persuadés qu'un fil court à travers toute chose. Tous les mondes y sont passés, comme les grains d'un chapelet. Et les hommes et les événements et la vie ne viennent à nous que grâce à ce fil. Il passe et repasse. Uniquement pour que nous puissions connaître la direction et la continuité de cette ligne. Un livre ou une thèse qui tente à montrer qu'il n'y a point de ligne du tout, mais hasard et chaos, une calamité sortant du néant, une prospérité sans explication, un héros né d'un sot, un sot né d'un héros, nous démoralise. Vu ou non vu, nous croyons que le lien existe. Le talent fabrique des liens de contrefaçon, le génie trouve les liens réels. Nous prêtons l'oreille à l'homme de science parce que nous anticipons la séquence dans les phénomènes naturels qu'il découvre. Nous aimons tout ce qui affirme, lit, conserve, et nous haïssons ce qui éparpille ou détruit. Mais quoique nous soyons naturellement conservateurs et causationnistes, et que nous rejetions une amère et morose incroyance, la classe sceptique que Montaigne représente a la raison pour elle. Et tout homme, à quelque moment, lui appartient. On retrouve dans ce texte beaucoup de motifs qui traversent toute l'œuvre d'Emerson, la distinction entre le talent et le génie, et donc cette importance du fil autour duquel, sur lequel viennent se glisser des perles. On voyait ça dans l'expérience déjà. Quel est ce fil? De quelle nature est-il, Joseph Urbès? C'est le lien causal. Pour Emerson, le monde est un vaste continuum de relations causales. Où il n'y a pas de, d'absence, il n'y a pas de zone qui ne serait pas couverte par ce réseau de causalité universelle. Et ce qui est intéressant est de noter aussi que pour lui, la vérité, c'est tout ce qui a un ancrage dans la causalité. Voilà, donc la vérité n'est pas une question de convention ou d'accord linguistique ou verbal entre hommes. Pour Emerson, la vérité au sens strict doit nous ramener, certes souvent par un chemin assez long, vers une réalité causale. C'est-à-dire scientifique ou pas spécialement ? Ça peut l'être, oui, oui. Emerson était d'ailleurs très... Il recevait avec bonheur et enthousiasme la science, les résultats de la science. Et il s'identifiait à une science comme recherche des rapports de causalité. Mm-hmm. Voilà, donc c'est absolument essentiel. Le début de ce passage, du reste... est une réponse à Montaigne. Il pose la question, c'est un paragraphe qui est extraordinaire, il pose la question, est-ce que Montaigne a dit, a, a, nous a donné à voir la sagesse en ce qui concerne la conduite de la vie. Et il ne répond pas à la question, ou il le fait de manière oblique. Nous sommes des croyants naturels. Alors, c'est un langage qui rappelle le scepticisme de Hume. Et d'ailleurs, David Hume, oui. Il y a la fin du passage où il dit que le scepticisme a la raison pour elle. Hume aurait dit la même chose. Et d'ailleurs, Emerson était, quand il avait la vingtaine, il s'est plongé dans les écrits de Hume. Il en a été totalement traumatisé. Traumatisé. Pourquoi ? Parce que la raison prenait trop cher ? Parce que ça a ébranlé sa foi. Pour lui, la foi, pour la définir très simplement, c'est la foi en la causalité, en l'existence d'un réseau qui est d'ordre divin, hein, de liens causaux qui, de lois. Hein, l'univers est régi par des lois d'origine divine. Et le scepticisme de Hume qui jette le doute sur l'observabilité du lien causal, pas du lien en tant que tel, mais simplement comme empiriste, est-ce qu'on peut... Il se pose la question de savoir si on peut le repérer ou l'observer, et la conclusion est non. Juste un point sur Hume quand même, parce que pour le type de scepticisme développé par Hume, Hume dit que rien ne permet de prouver les liens de cause à effet de manière nécessaire et absolue. Par exemple, rien, c'est pas parce que le soleil s'est levé tous les matins depuis que je suis né qu'il se lèvera demain. Voilà. Rien ne nous permet de le prouver. Voilà. C'est à ce point que Hume, c'est vers ce point que Hume tire le scepticisme. Et d'ailleurs, donc, je reviens à la phrase, le scepticisme a la raison pour elle. La cause sceptique a la raison pour elle. Mais même chez Hume, il y a un élément de natural belief, donc la croyance naturelle, qu'on le veuille ou non, quand il participe à des jeux de société avec ses amis le soir, c'est la nature qui revient fatalement. Malgré les doutes, malgré le scepticisme... On fait comme si tout était réel, c'est ça ? Voilà, et on est entraîné par la vie. La vie est en quelque sorte la solution aux doutes sceptiques. La vie qui nous entraîne. Et pourtant, on l'a bien vu, il ne suffit pas de parier sur la vie pour continuer à nous entraîner, puisqu'il y a autre chose. Si Emerson parle de ce fil, que ce fil c'est la causalité, il emploie aussi le terme de croyance, et pas simplement au sens où l'entendait Hume, au sens de croyance naturelle. Oui. Il y a la croyance en autre chose que la causalité elle-même. Ou alors, ce Dieu n'est-il que la causalité ? Au fond, est-ce qu'Emerson est plus Spinoza dans son panthéisme, dans sa autodéisme, ou la manière de penser que la nature égale Dieu, que la causalité égale Dieu, et que la croyance en Dieu, c'est finalement la croyance en la causalité ? Oui, alors là... c'est une excellente question, et je crois que les études émersoniennes devraient se pencher là-dessus. Il y a comme tout de même une distinction que je proposerais entre Emerson et Spinoza, c'est que Spinoza ne voulait pas entendre parler de finalité. Ouais. Finalité à l'existence, final cause, et Emerson, c'est un des socles de sa pensée. Voilà, c'est-à-dire que tout est, comme nous allons voir, tout est moral, tout est orienté vers le bien, la causalité est d'origine divine. Toute la question, alors effectivement, il ne veut pas entendre parler dans sa période tardive de Dieu personnel ou sous forme anthropomorphique. Ouais. Voilà. Mais oui, mais alors en fait, il en va d'Emerson comme de Pascal, c'est qu'au fond, on peut avoir une lecture tout à fait athée d'Emerson. Le texte d'expérience, justement, parle d'autant plus à ceux qui ne postulent pas l'existence d'un Dieu, d'une finalité à l'existence. Et en même temps, voilà, peut-être que sa pensée n'est saisissable dans son entier que à condition de prendre en compte ce projet divin. Ou du moins, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes travaux, de reconnaître que la causalité, c'est vraiment c'est le fondement métaphysique de sa pensée. Et que toute la vie, toute la vie du croyant, naturel ou doctrinal, doit se reposer sur ce socle. Alors avant d'en arriver au sentiment moral qui est pour vous la résolution du scepticisme chez Emerson, voici encore un extrait pour bien donner à entendre la manière qu'a eu Emerson d'innerver, de nourrir et d'inspirer une grande partie de la culture américaine. C'est le film Into the Wild. Tu vas me manquer quand tu seras dans le Nord. Vous me manquerez aussi, Ron. Mais vous avez tort de croire que la joie de vivre tient principalement aux rapports humains. Vous vous trompez. Dieu en a mis dans tout ce qui nous entoure. On en trouve dans chaque détail, chaque petite chose de la vie quotidienne. Pour percevoir ces choses-là, il suffirait de changer de point de vue. Ouais, tu as raison. Je vais réfléchir à ça. Non, sérieusement, je le ferai. J'ai quelque chose à te dire. D'après ce que tu m'as dit et ce que j'ai pu reconstituer de ton passé, je sais que ça n'a pas été facile avec ton père, ta mère et tout le reste. Et j'ai compris aussi que tu avais des problèmes avec la religion. Mais nous sommes d'accord pour reconnaître qu'il existe un mystère. Quelque chose de plus grand que nous, que tu as l'air prêt à appeler Dieu. Mais quand on pardonne à son frère, on aime. Et quand on aime, la lumière divine descend sur nous. Nom de Dieu ? Je t'ai dit de surveiller ton langage. Nous mettons notre vie dans chaque acte. La vraie doctrine de l'omniprésence est que Dieu réapparaît avec toutes ses parties dans chaque mousse et chaque toile d'araignée. La valeur de l'univers fait en sorte de se jeter dans chaque point. Si le bien est là, le mal aussi. S'il y a l'affinité, il y a aussi la répulsion. S'il y a l'énergie, il y a aussi la limitation. C'est ainsi que l'univers est animé. Toutes les choses sont morales. Cette âme qui en nous est un sentiment est une loi en dehors de nous. Nous ressentons son inspiration. Là-bas, dans l'histoire, nous pouvons voir sa force fatale. Le monde ressemble à une table de multiplication ou à une équation mathématique qui, que vous la tourniez comme vous voulez, tombe juste. Prenez le nombre que vous voudrez. Sa valeur exacte, ni plus ni moins, vous revient toujours. Chaque secret est révélé. Chaque crime est puni. Chaque vertu récompensée, chaque tort redressé, en silence et dans la certitude. Ce que nous appelons rétribution, c'est la nécessité universelle par laquelle la totalité apparaît partout ou paraît une partie. Si vous voyez de la fumée, il doit y avoir du feu. Si vous voyez une main ou un membre, vous savez que le tronc auquel il ou elle appartient est là, derrière. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Dieu est partout, disent les personnages du film de Sean Penn, Into the Wild. Dans tous les détails de la nature, on trouve quelque chose qui nous ramène à Dieu et au sublime. Dans le texte d'Emerson, il est écrit ceci, la vraie doctrine de l'omniprésence est que Dieu réapparaît avec toutes ses parties dans chaque mousse et dans chaque toile d'araignée. Donc oui, Dieu est partout, Joseph Urbas, mais Dieu ce n'est pas forcément la morale. Quel est le lien entre la religion et la morale? Si, pour Emerson, comme pour des penseurs qu'on peut classer parmi les platoniciens de Cambridge du 17e siècle, la causalité est considérée comme ayant d'un Dieu créateur comme ayant une intention toujours qui tend vers le bien. Et pour Emerson, ce rapport est nécessairement divin. C'est-à-dire que Dieu est la première cause. Et voilà, donc en tant que tel, sa présence est immanente dans chaque chaque particule de l'univers. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, tout à fait. C'est la question de la morale est peut-être reste en suspens, parce que dire que Dieu est partout, est présent partout dans chaque chose de l'univers, n'implique pas forcément qu'il nous dise comment agir. Quel est le lien entre la causalité divine et le bien et le mal, au fond? C'est ça ma question. Disons que il y a une structure qui est d'ordre moral et que l'action de l'homme, l'action de l'être humain doit s'inscrire dans cet ordre causal qui est orienté vers le bien. Si je prends l'exemple de la position d'Emerson concernant l'esclavage, il était convaincu que ce système abominable était condamné à disparaître. Pourquoi? Parce que contraire à la structure morale et causale de l'univers. Voilà. Donc pour lui, ce n'est pas un scientifique dans ce sens où il va séparer la causalité, disons, physique de toute question morale et considérer uniquement le phénomène physique. Pour lui, là, il a toujours une conception, dirais-je, entière ou ancienne de la causalité, c'est-à-dire la causalité spirituelle, morale, physique, finale. Tous ces éléments-là sont ensemble dans sa conception de la causalité. Donc ce n'est pas... C'est pour ça d'ailleurs c'est ce qui lui a permis d'accueillir la science avec enthousiasme. Mm-hmm. Parce qu'il ne voyait pas de menace pour la foi. Il écrit dans son essai sur Montaigne, faisons un tout petit aller-retour vers ce texte-là pour ensuite revenir à celui que nous avons entendu. Ce qu'il écrit que la traduction dit la solution finale. C'est pas une expression très heureuse. On va dire l'ultime solution où se perd le scepticisme, c'est le sentiment moral qui jamais ne déchoit de sa suprématie. Oui. Comment ce sentiment moral la morale peut-elle avoir pour expression, pour fondement, je ne sais pas, un sentiment? Alors, d'abord, une précision quant au terme « sentiment moral ». Alors, chez Adam Smith et Hume, cette expression relève de la psychologie humaine, uniquement de la psychologie humaine. Pour Emerson, le terme a une portée métaphysique. En gros, le sentiment moral, c'est notre expérience intime, immédiate de la puissance causale et morale qui régit toute l'existence, le monde et le cosmos entier. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est dans ce même passage de l'essai sur Montaigne. Il va décrire ça comme, parfois il part de sentiments, parfois de pensées. Il dira que le sentiment moral, c'est cette espèce de sentiment ou de pensée qui nous certifie que nous sommes apparentés à la force divine qui a créé tout l'univers, tout le monde autour de nous. C'est la goutte d'eau qui contrebalance la mer. Voilà, c'est ça. Je joue avec le mélange des faits et prends ces superficiels aperçus que nous appelons scepticisme, mais je sais qu'ils m'apparaîtront bientôt dans cet ordre qui rend le scepticisme impossible. Ouais. C'est l'ordre, au fond, qui contrevient au scepticisme. Oui, c'est ça. Le scepticisme, c'est le chaos et l'ordre le dissout. Voilà, et toutes les répétitions dans le texte de Montaigne, les répétitions des mots comme fil, ligne, lien, et ainsi de suite, sont là comme en contrepoint au premier texte que vous avez présenté d'expérience, où justement le lien semble à tout jamais rompu. En fait, il y est toujours. Il y est toujours. Et d'ailleurs, dans le texte sur sur Montaigne, il dit même que ce lien qui est objectif, qui est réel, et ce qui nous permet de percevoir, c'est grâce à ce fil, dit-il, que nous pouvons comprendre la réalité du monde. Mm. C'est en quelque sorte la condition de notre appréhension du réel, c'est-à-dire l'existence effective, objective, de ce réseau de causalité, de liens. Et donc, dans Expérience, ce fil est cassé. Oui. Et vécu comme cassé. Mais lorsqu'il n'est pas en deuil, ce qui finalement lui arrive, enfin, il est souvent en deuil quand même dans sa vie, comment Emerson fait-il le constat de l'existence de ce fil? Est-ce que c'est un postulat théorique? Est-ce que c'est l'objet de sa croyance? Ou est-ce qu'il l'observe? Quel est le fondement finalement de ce fil? Est-ce que c'est quelque chose... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il le postule? Oui. Est-ce qu'il l'observe? Ou est-ce que c'est... Ou est-ce qu'il y croit? Est-ce que c'est de la croyance? Alors, nous avons la réponse, là encore dans le texte, l'extrait de l'essai sur Montaigne, où il dit, vu ou non vu, nous croyons que le lien existe. Alors, voilà, donc c'est la croyance. De l'ordre de la croyance, mais dans sa pensée métaphysique, l'existence de ces liens est posée. Et si vous voulez, souvent il va, en faisant écho aux travaux de Schelling, il va parler d'identité. Donc il y a un principe d'identité qui traverse toute la succession d'expériences, d'observations, d'état d'esprit. Mais au fond, il y a une unité. Considère comme synonyme unité et identité. Mm-hmm. Et les derniers essais vont réaffirmer sa foi en l'unité du monde, l'unité de l'existence qui est d'ordre causal et qui va aussi qualifier de principe d'identité. Mm-hmm. Et donc, si le texte qui a ouvert cette émission s'appelle « Expérience », on n'a pas assez commenté le mot « d'expérience », parce que tout ce que vous dites sur la causalité, au fond, quelle est la part de l'expérience dans le constat de cette causalité? Elle devrait être secondaire. Disons, le constat, c'est, et en séance cela que Emerson préfigure les pragmatistes, c'est les résultats. C'est les résultats qu'on peut observer. Emerson, je vous donne un exemple, oui. Et il note dans ses conférences tardives que on s'appuie toujours sur une loi, et il a tendance à situer ça dans la transcendance. Hein. We lean on what is higher. Hein. Donc on s'appuie sur ces lois, et il utilise l'exemple du charpentier qui ne va pas faire bouger son marteau vers le haut, mais vers le bas, parce que la gravitation est son ami. Toutes les lois de l'univers, dans ces mêmes conférences, il les qualifie de géants serviables et aimables qui sont là pour nous servir. Mmh. Voilà. Donc c'est, si vous voulez, la preuve de l'existence de ces liens est apportée par les résultats. Mm. Donc c'est en cela qu'il... Les résultats vus avec ses yeux. Voilà. Ce qu'il insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs, sur le prisme à travers lequel, ces fameuses lentilles colorées à travers lesquelles nous voyons le monde. C'est aussi une manière de dire qu'il y a aussi une déformation peut-être parfois subjective aussi dans notre perception du monde. Oui. Mais encore une fois, et je crois qu'il a relativement peu de patience avec les querelles d'ordre épistémologique pur, parce que finalement c'est en cela qu'il préfigure un penseur comme Dewey. Oui. C'est les résultats sont là les effets sont là pour nous en dire long sur les causes. Et il le dit d'ailleurs, il dit on ne peut pas perdre sa journée en explication. Voilà, c'est ça. À un moment, il faut agir. Citation superbe, oui, absolument. Un dernier mot encore, justement, vous disiez cette, enfin, on parlait de la subjectivité qui parfois pouvait venir déformer l'observation du monde. Il y a chez lui, à de nombreuses reprises, chez Emerson, dans de nombreux textes, cette image du tout, enfin, du grand et du petit. Et à chaque fois, il part de l'observation du petit, comme dans l'extrait de film qu'on a entendu, Into the Wild, hein, une plante, une mousse, et dans le texte, on l'a entendu, il reparle aussi de mousse et d'araignée, qui sont comme des points d'accès vers le réel. Est-ce que cela, c'est quoi? C'est une forme de perspectivisme ou c'est comment est-ce que vous le comprenez? Moi, je le comprends surtout comme preuve que Emerson, c'est un romantique. Il y a des passages de Chateaubriand où il s'extasie sur de toutes petites choses. C'est une fleur. Par exemple, et ça l'impressionne plus dans un premier temps que le Mont Blanc. Il y a un passage dans Le génie du christianisme où il lit ça. Bon, Emerson a hérité de cette pensée-là qui commence à voir, et Cavell est excellent là-dessus, qui commence à voir des petites choses, l'ordinaire. Les choses que jusque-là on avait considérées comme indignes de la poésie ou de la philosophie, parce que pas assez grandioses. Mais lui, il voit effectivement, exactement comme vous l'avez dit, il y voit autant d'accès au réel. Et même à la divinité, l'expérience de la divinité, parce que le fameux passage de l'œil transparent dans l'essai Nature, ça commence par de tout petits détails. C'est vraiment, c'est une explosion de détails extrêmement précis, mais qui sont autant de véhicules qui l'amènent vers la transcendance. Et vers le réel. Nature, c'est le sujet de l'émission de demain. Donc merci pour cette transition et merci beaucoup pour cette émission, Joseph Urbas. Merci à vous. D'être venu nous parler avec tant d'affection d'Emerson. On a commencé avec Expérience, on se quitte avec Expérience, mais cette fois, version Jimi Hendrix. If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. I know, you probably scream and cry that your little world. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, après Ralph Waldo Emerson et Jimi Hendrix, c'est Frédéric Worms qui prend l'antenne pour sa chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Pourquoi oppose-t-on droit et devoir? Il y a une opposition qui traverse les démocraties contemporaines depuis notamment la Révolution française et ses diverses déclarations. C'est l'opposition entre les droits et les devoirs, les droits de l'homme et les devoirs de l'homme ou aussi du citoyen qui ont fait l'objet d'ailleurs d'approches le plus souvent contradictoires. Ainsi, après les déclarations des droits de l'homme de 1789 et de 1793, une troisième déclaration moins connue dès la Révolution française en 1795 a complété la déclaration des droits de l'homme par celle de ses devoirs, comme si déclarer des droits était une sorte d'ouverture indéfinie, une sorte d'individualisme sans limite, sans relation à autrui, alors que les devoirs nous ramènent à notre condition relationnelle et sociale, et comme s'il fallait compléter les droits individuels par les devoirs à l'égard d'autrui. Mais il y a quelque chose ici de très frappant et qu'il faut noter, c'est que quand on parle de compléter les droits par les devoirs, c'est qu'on se situe déjà dans un même cadre, un cadre au fond universel et législatif qui est celui des démocraties contemporaines. On oppose peut-être les droits et les devoirs, mais ce point commun, c'est qu'on les impose les uns ou les autres, peut-être les uns et les autres, sous une forme universelle à l'ensemble des citoyens de manière égale. On peut alors se demander si les droits que l'on déclare de manière universelle, c'est-à-dire pas seulement pour les uns et pas pour les autres, n'impliquent pas forcément aussi des devoirs, car ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, et si je veux exercer un droit, je dois respecter le droit de l'autre à l'exercer aussi. Et inversement, si l'on déclare des devoirs de manière absolue, absolument universel. Cela veut dire qu'ils valent pour tout le monde et que j'ai le droit aussi d'exiger que les autres remplissent ces devoirs à mon égard. Ce n'est pas seulement moi qui ai des devoirs à l'égard d'autrui, mais je suis en droit d'exiger un certain nombre d'actions, un certain nombre de principes, peut-être abstraits comme l'égalité devant la loi, mais peut-être aussi très concrets comme un certain nombre de biens minimaux. Je suis en droit de les réclamer, de les revendiquer à l'égard d'autrui. Au fond, opposer les droits et les devoirs, ce n'est pas un exercice abstrait, une dissertation de philosophie. Il peut y avoir des philosophies qui font de la morale sur le devoir, d'autres sur le droit et sur la liberté individuelle. Et souvent, cela peut se rejoindre dans une philosophie complète. Mais politiquement, les droits et les devoirs sont amenés à se compléter dans une démocratie où l'on fait coexister des individus de manière relationnelle, où la société repose sur l'interdépendance et la réciprocité, où les droits des uns supposent ceux des autres et où les devoirs de l'un, les miens, ces responsabilités qui reviennent aujourd'hui de tous côtés, sont aussi susceptibles et même nécessairement pour s'exercer d'avoir aussi des devoirs des autres à l'égard de chacun. Oui, on est en droit d'exiger que les autres respectent leurs obligations à notre égard pour que nous puissions nous aussi respecter les nôtres à l'égard d'eux, à l'égard d'elles et d'eux, à l'égard de toutes et de tous, car les droits et les devoirs politiquement, en tout cas, sont indissociables. Merci beaucoup Frédéric Borne. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à réécouter en ligne et à télécharger sur l'application Radio France. Et un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon Delasselle avec Jules Barbier, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la lecture des textes, c'était Armand Éloi. À la prise de son, Florent Bujon. Prise de son, pas prise de sang. Prise de son, Florian Bujon. On se retrouve demain pour la suite et fin, pour la suite de notre série autour d'Emerson pour un nouveau départ. Demain, on parlera de la nature, justement, Nature. Du trivial au grandiose, on en a légèrement parlé en fin d'émission avec vous, Joseph Urbaz. Demain, ce sera Daniel Follette qui viendra vous en parler. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en ligne, la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et on vous attend sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.